ratez votre coup, le crapaud vous crache au visage. Vous n'êtes pas une blanche colombe, mais bien un mauvais personnage. Votre histoire doit s'arrêter là, vous tombez à la renverse. À votre tour de vous faire écraser par un chauffard en état d'ivresse. The end. Voilà, c'est fini. Mais comme tu as été méchant, pas de chanson bonus. Tu n'as qu'à refaire l'histoire en étant plus cool.